السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue le résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé à la page 301. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. Chapitre au sujet de la parole d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Ainsi que les versets suivants, comme on va le voir dans un instant, Inch'Allah. Maintenant, l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, il dit « Tamamu l'ayat » وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وإحسانا وتوفيقا. من سورة النساء et c'est les versets 60 à 62. Cheikh Al-Fawzan dit la suite qui complète ces versets, c'est-à-dire qu'il complète les versets qui sont cités par Cheikh Al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Il dit: et lorsqu'on leur dit venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Surat Nisa, verset 60 à 62. Cheikh Al-Fawzan, il explique cela. C'est un chapitre qui est un peu long, mais on va le finir aujourd'hui, Inch'Allah. Il dit « Munasabatu hada al-babi li kitab al-tawhid » C'est-à-dire, comme on le fait à chaque fois, comme Cheikh Al-Fawzan le fait à chaque fois, il dit, il explique le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité dont ce chapitre fait partie, et qui s'articule par rapport aux autres chapitres qui font aussi partie de ce livre qui est le livre Kitab al-tawhid. « Alladhi huwa haqqullahi al-abid » Et donc Cheikh Al-Fawzan explique ce rapport, il dit: نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إذ هذا من مقتضى الشهادتين فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته. Donc quel est le rapport entre ce chapitre, le chapitre de la parole d'Allah qu'on a cité, et c'est le verset 62 sur le Nisa, et le livre de l'unicité? Eh bien, c'est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a attiré l'attention avec ce chapitre sur ce que contient l'unicité et ce que l'unicité implique en termes de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans les disputes, car cela est ce qui implique les deux attestations de foi, shahadatan. Donc quiconque prononce ces deux attestations, puis va prendre pour juge autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aura menti dans son attestation. Puis comme à son habitude, Cheikh Al-Fawzan explique les termes qui sont repris ici. Il dit Alam tara istifhamu ta'ajjubin wa istinkarin. Moi, dans les notes de correction al-Ghudayn, j'ai noté en plus wa tawbihin. Donc ici, alam tara, n'as-tu pas vu? C'est une formule interrogatif, donc on dit istifham, et c'est ta'ajjub, c'est-à-dire c'est une formule interrogative qui a valeur d'étonnement et de réprobation et de blâme aussi. Yaz'umuna annahum amanu ila akhir al-aya. Ay yad'una al-iman bidhalika wa hum kadhibun. Ila akhirih, ay yad'una al-iman bidhalik wa hum kadhibun. يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا Ceux qui prétendent croire, etc. C'est-à-dire, ils prétendent la foi en cela, alors qu'ils mentent, alors qu'ils sont menteurs. أَنْ يَتَحَاكَمُوا أَيْ يَتَخَاصَمُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا Ils veulent prendre pour juge, c'est-à-dire qu'ils veulent porter leur dispute إِلَى الطَّاغُوتِ Ils veulent porter leur dispute à qui? Au طَاغُوتِ هُوَ كَثِيرُ الطُّغْيَانِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كعب بن الأشرف اليهودي وهو يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله. Donc ici, il est Tarout au Tarout. Et c'est pris de Tarout de Kathir al-Tughyan, celui qui a beaucoup de Tughyan. Et c'est comme Cheikh Islam Mohammed, Al-Wahab, et d'autres savants l'ont expliqué dans d'autres livres, c'est Mujawazatul Abdi Haddahu. Il a un il a akhiri maqalahu al-ulama. Et on va traduire ça tout simplement en disant ici que c'est celui qui a beaucoup de Tughyan, de dépassement des limites. Et le sens voulu ici, c'est qui? C'est Ka'b. Ibn al-Ashraf, on va reparler de lui après, Inch'Allah. Ka'b ibn al-Ashraf, le juif, et cela englobe toute personne qui juge avec autre que les lois d'Allah. Alors ici, une petite note de cours que je vous rajoute en plus ici. Al-Kufr bit-Tarut, ahadu shuruti la ilaha illallah. Al-Kufr bit-Tarut, c'est l'une des conditions de la ilaha illallah. Et, had al-bab, tout ce chapitre qu'on voit ici, Shal-Rudayn, il avait dit que c'est un bab fil-Hakimiyya. Ce qui concerne al-Hakimiyya. On continue les termes, « Ayakfurubih »« Ayyarfudu ta'at al-ta'out »« Ayakfurubih » de ne pas croire en lui, c'est-à-dire refuser l'obéissance au ta'out. « Wayuridu shaytan bi amrihi li ha'oula »« Watezini lahum at-tahakuma ila al-ta'out » »« Wayuridu shaytan » mais le diable veut, en ordonnant à cela et en leur embellissant le fait de prendre pour juge le ta'out dans les disputes. « Ayyudillahum » أي أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى أن يضلهم il veut les égarer أن يضلهم c'est-à-dire les détourner de la voie de vérité et de guider ضلالا بعيدا فيجور بهم جورا شديدا ضلالا بعيدا d'un égarement lointain c'est et donc qu'il les fasse dévier d'une déviance sévère grande lointaine ضلالا بعيدا الى ما انزل الله اي في القران من الحكم بين الناس c'est-à-dire الى ما انزل الله vers ce que Allah fait descendre c'est-à-dire dans le Coran en termes de jugement entre les gens والى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه vers ce que Allah fait descendre c'est-à-dire والى الرسول et vers le messager afin qu'ils jugent entre eux quant à ceux au sujet duquel ils sont en dispute. رأيت المنافقين أي رأيت الذين أي الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون. رأيت المنافقين tu vois les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui prétendent la foi alors qu'ils mentent. يصدون يعرضون في موضع نصب على الحال. Yasuddun s'écarter, il se détourne, et ici en arabe, traduction vraiment que c'est difficile la grammaire de traduire, c'est à l'accusatif, c'est à knasb si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça représente l'état, un état, une situation, l'hal. Anka, de toi, il a ghayrika, vers autre que toi. Soudoudan, masdaru sadda, au ismu masdarin. Ici, il dit. Soudoudan, c'est la racine du verbe sadda, se détourner. Fakaifa, ay, ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون. Fakaifa, comment donc, c'est-à-dire quel sera leur état, quelle sera leur situation et que feront-ils. إذا أصابتهم مصيبة إذا نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه. إذا أصابتهم مصيبة quand un malheur les atteindra, c'est-à-dire s'il descend sur un châtiment, s'il descend sur eux, un châtiment en termes de meurtre et autres. Bima qaddamat aydihim, ay bisawi tahakubi ila ghayrik, wa adami rida bihukmik, hal yaqdirun ala al-firari minha? Bima qaddamat aydihim, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains. C'est-à-dire, en raison du fait qu'ils ont pris comme juge autre que toi, et n'ont pas agréé ton jugement, seront-ils capables de fuir ce châtiment ? ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون معطوف على أصابتهم. Je ne sais pas si vous avez une hamza ici. Vous n'avez pas hein? أصابتهم, non ? Vous avez ? Vous avez un ? C'est أصابتهم. أو على يصدون. Donc ici, vous avez Issa, vous avez Issa. Donc ici, il dit ici, جاءوك, puis ils viendront alors près de toi, afin de s'excuser lorsqu'ils sont touchés par le malheur. Et c'est ici en arabe, il a dit le mot, il a dit ma'toufoun, c'est une coordination, c'est une juxtaposition si vous voulez. Coordonnées à asabatum, ils sont touchés, ou à yasuddun, ils s'écarteront. In aradana, ay ma aradna bil muhakamati ila ghayrik. In aradana, nous n'avons voulu que, c'est-à-dire nous n'avons voulu en prenant autre que toi comme juge dans les disputes, puis la suite c'est quoi? Illa ihsana. Ay al-islah bayna an-nas. Que le bien, c'est-à-dire la réconciliation entre les gens. Wa tawfiqa. تأليفا بين الخصمين ولم نرد مخالفتك وتوفيقا la réconciliation c'est-à-dire un rapprochement des gens qui sont en dispute et nous n'avons pas voulu nous opposer à toi. Maintenant le sens général de ces versets qu'on vient de citer المعنى الإجمالي للآيات أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به ولكن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق ويبعدهم عنه وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا إعراض استكبار وتمنع فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ليدعو الله لهم ويحل مشاكلهم فجاءوه يعتذرون عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفته في عدولهم إلى غيره وإنما أراد الإصلاح والتأليف بين الناس فيبدون هذه الأعذار الباطلة ليبرروا فعلهم حينما يفتضحون. Le sens général des versets est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché à ceux qui prétendent la foi, en ce cas-là descendu à son messager sallallahu alayhi wa sallam et aux prophètes avant lui, et malgré cela, malgré qu'ils prétendent cette foi, désirent prendre comme juge dans la résolution des disputes autre que le livre d'Allah et autre que la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et prennent comme juge le ta'arut, au sujet duquel Allah a ordonné à ses serviteurs croyants de mécroire. Mais Satan veut égarer ces gens qui prennent comme juge le tarout de la voie de guidée et de vérité et il veut les en éloigner. Et si ceux-là sont appelés à prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils se détournent par orgueil et refus. Et quel sera alors leur état et que feront-ils quand les malheurs les toucheront et qu'ils auront alors besoin du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, afin qu'il invoque Allah pour eux. Il leur résout leurs problèmes. Ils sont donc venus vers lui s'excusant au sujet de ce qui a émané d'eux en disant qu'ils ne cherchaient pas à s'opposer à lui en allant vers autre que lui, mais qu'ils ne cherchaient que la réconciliation et le rapprochement entre les gens. Il présente donc ses excuses vaines et fausses afin de justifier leur action lorsqu'ils sont exposés au grand jour. Ma yustafadu min al-ayat, les enseignements tirés des versets. أولا وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والتسليم له. L'obligation de prendre comme juge le livre d'Allah سبحانه وتعالى et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم et d'agréer cela, d'accepter cela et de s'y soumettre. ثانيا أن من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح وندعى أنه يقصد الإصلاح. Ceux qui prennent comme juge, autre que la législation islamique, ne sont pas des croyants, ne sont pas des réformateurs, et c'est même s'ils prétendent vouloir la réforme ou la réconciliation. Troisièmement, أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم. Quiconque juge par autre que ce qu'Allah a descendu est un طاغوت. Et quiconque prend comme juge dans les disputes autre que ce qu'Allah a descendu est quelqu'un qui prend le tarot comme juge et ce quoi qu'il lui donne comme nom. Évidemment, ici, il y a un tafsir à faire par rapport au hukm bighayri ma anzalallah, que vous en avez déjà parlé plusieurs fois. Les ulama en ont parlé dans des livres plus détaillés et qui s'adressent plus à ça. Ici, le chéri parle de manière générale, bien sûr. Quatrièmement, rabi'an, wujoubul kufri bit ta'out, l'obligation de mécroire au ta'out. Cinquièmement, التحذير من كيد الشيطان وصده الإنسان عن سبيله صده الإنسان عن الحق. La mise en garde contre la ruse de Satan et du fait qu'il détourne les gens de la vérité. Sixièmement, سادسا أن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة والقبول فإن عرض فهو منافق. Quiconque est appelé à prendre comme juste ce que Allah a descendu, il est obligatoire de répondre à l'appel et d'accepter. Et s'il se détourne, eh bien, il est alors un hypocrite. Sabi'an, septièmement, أنا دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله. Prétendre la réconciliation, la réforme, n'est pas une excuse dans le jugement, par autre que ce que Allah a fait descendre. On continue dans le chapitre. L'auteur qui est cheikh d'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Et de sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens est, et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Sourate al-Baqara, verset 11. Cheikh al-Fawzan explique les termes en disant وإذا قيل لهم أي للمنافقين. Et quand on leur dit, c'est-à-dire aux hypocrites, لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وغيره من أنواع المعاصي. Et quand on leur dit, c'est-à-dire aux hypocrites, la tosido fil ard, ne signez pas la corruption sur terre, c'est-à-dire par la mécréance et autres, parmi les genres de désobéissance, de péché. إنما نحن مصلحون. Comment ils répondent? Ils disent إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. إنما نحن مصلحون. Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Et ce que nous faisons n'est pas une corruption. Al-ma'na al-ijmal al-aya, le sens général du verset ici. Sourate al-Baqara, verset 11. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifat al-munafiqin annahum idanuhu 'ala 'an irtikab al-ma'asi allati tusabbibu al-fasad fi al-ard bi hulul 'uqubat wa umiru bi at-ta'ati allati fiha salah al-ard ajabu bi anna sha'nana al-islah li'annahum tasawwaru al-fasad bi surati as-salah lima fi qulubihim min al-marad. Le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut cite parmi les caractéristiques des hypocrites qu'il, lorsqu'il leur a dit de ne pas commettre ces péchés, des péchés, qui sèment la corruption sur terre, par l'arrivée de châtiments, et lorsque leur obéissance, hein, il leur a dit d'obéir, cette obéissance à laquelle il y a le bien de la terre, ils répondent comment? Notre affaire est la réforme. Car ils imaginent et prennent la corruption. Ils se représentent la corruption sous l'image de la réforme, en raison de ce que contient leur cœur en termes de maladie. Oulayadou billah. Je voulais faire un point ici sur le fait comment le cœur peut, l'importance du cœur par rapport au fait d'accepter le haqq ou pas, car Allah azoum dans le discernement à certaines personnes et à d'autres, mais on n'a pas beaucoup le temps parce que le chapitre est un peu long, donc on ne va pas rentrer là-dedans ici, Inch'Allah, mais on a déjà parlé dans d'autres cours. En tout cas, on peut dire de manière très résumée que c'est très très important de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'au plus la personne craint Allah subhanahu wa ta'ala, au plus Allah lui donne le furqan, le discernement, il arrive à distinguer le batil, le haqq du batil. Donc on continue ici, le rapport maintenant entre ce verset de sourate al-Baqara et le chapitre. مُنَسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أَنَّ مَنْ دَعْ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ مِنْ أَنْزَلَ اللَّهِ أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. Le rapport entre le verset et le chapitre, quiconque appelle à prendre pour juge autre que ce qu'Allah a fait descendre ou appelle au péché aura alors commis la pire des corruptions sur terre. ما يستفاد منها؟ Quels sont les enseignements tirés de ce verset de sourate al-Baqara؟ أولا التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة وأن ادعى أصحابها أن قصدهم الإصلاح. La mise en garde contre le fait de prendre juge, comme juge les codes, les systèmes et les lois qui s'opposent à la législation islamique. Et ce même si ceux qui font cela prétendent la réforme. Ici le pluriel nudum, c'est le pluriel de nidam. Deuxièmement, « Anna da'wa al-islahi laysat bi'udrin fi tarki ma anzalallah » Prétendre la réforme n'est pas une excuse pour délaisser ce qu'Allah a fait descendre. Troisièmement, « At-tahdhiru min al-i'jabi bil-ra'i » La mise en garde contre le fait d'être imbu de sa propre opinion. Rabi'an, « Anna marid al-qalbi yatasawwaru al-haqqa batilan wal-batila haqqa » C'est ce que je disais de manière très résumée tout à l'heure. Le malade du cœur se représente la vérité comme le faux et le faux comme la vérité. La bonne intention n'autorise pas l'opposition, la transgression à la législation. On continue dans le chapitre. Sur l'islam, Muhammad ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, il dit وقوله, ولا تفسد في الأرض, ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها, من سورة الأعراف. Il dit rahimahullah ta'ala, et c'est-à-dire le chapitre de sa parole, dont la traduction du sens est il ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-A'raf, verset 56. Ici, le la, c'est nahiya ici. D'accord? C'est la nahiya. C'est le la, la particule la qui est négative, mais ici, ça a valeur d'interdiction. Tufsidou fil ard, bishirk wal ma'asi. Tufsidou fil ard, ne se met pas la corruption sur terre au moyen de l'association Allah et des péchés. Ba'da islahiha. ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات بعد إصلاحها après qu'elle ait été réformée au moyen de l'envoi des prophètes et de la législation du jugement de règles et de la mise en pratique d'actes d'obéissance. المعنى الإجمالي الآية quel est le sens général de ce verset de sourate الأعراف ينهى الله سبحانه عباده عن الإفساد في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقين في معصية الخالق بعد إصلاحه سبحانه إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي أعظم فساد في الأرض. Le sens général du verset, Allah le Très-Haut interdit à ses serviteurs la corruption sur terre, au moyen de péché et de l'appel à obéir aux créatures dans la désobéissance au Créateur, après qu'il l'ait réformé au moyen de l'envoi de messagers. Et de la clarification de la législation et de l'appel à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Car l'adoration d'autre qu'Allah et l'appel à autre que lui et l'association à lui et l'oppression et les péchés sont la corruption la plus grande sur terre. Maintenant, quel est le rapport entre ce verset de Sourate Al-A'raf et le chapitre qu'on est en train d'étudier aujourd'hui ? Munasabatul ayati lil bab anna man yad'u ila at-tahakum ila ghayri ma anzal Allah faqad ata bi'adami al-fasad fi al-ard. Le rapport entre le verset et le chapitre, quiconque appelle à prendre pour juge autre que ce que Allah a fait descendre aura commis la corruption la plus grave sur terre. Ma yustafadu min al-aya. Quels sont les enseignements tirés de ce verset de Surat Al-A'raf? Awalan, al-fa'idatu al-oula, an al-ma'asi ifsadun fil ard. Les péchés sont une corruption sur terre. Al-fa'idatu al-thaniya, an al-ta'ata islahun lil ard. D'obéissance à Allah est un bien, une réforme pour la terre. Thalithan, ou al-fa'idatu al-thalitha, an at-tahkima ghayri ma anzal Allah ifsadun fil ard. Troisième enseignement, prendre pour juge autre que ce qu'Allah fait descendre est une corruption sur terre. Rabi'an, an salah al-bashar wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzal Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien des gens et leur réforme ne sont que par le fait de prendre ce qu'Allah a fait descendre comme juge. On continue, ici on a encore un verset. وَقَوْلِهِ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ الْآيَةِ Et de sa parole, la traduction du sens est, est-ce donc le jugement du temps de la période pré-islamique de la jahiliya qu'il cherche? Jusqu'à la fin du verset. تمام الآية شيخ الفوزان الذي حفظه الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من سورة المائدة. La fin du verset est, c'est dans la traduction du sens est, qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate المائدة verset 50. أفحكما استفهام إنكاري. Dans mes notes de cours ici, j'ai استنكار والتوبيخ للمنافقين. Afahukma, est-ce donc le jugement? C'est une interrogation de réprobation, de blâme envers les hypocrites. Al-jahiliya, ma kana qabla al-islam, wa kullu ma khalafa al-islam fa huwa min al-jahiliya. Al-jahiliya, c'est la période pré-islamique et ce qui existait lors de la période pré-islamique. Et tout ce qui s'oppose à l'islam fait partie de la jahiliya. Yabghoun, ay yatlubun, ils cherchent. Waman, ay la ahad. Waman, et qui, c'est-à-dire personne. Ahsanu min Allahi hukma. هذا من استعمال أفعل التفضيل فيهما ليس له في الطرف الآخر مشارك أحسن من الله حكما meilleur qu'Allah en matière de jugement. C'est une utilisation ici du comparatif dans laquelle il n'y a pas d'autre, il n'y a pas dans l'autre partie d'associé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de jugement. لقوم يوقنون أي عند قوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور فيعلمون أن لا أحسن حكم من حكم الله. Pour des gens qui ont une foi ferme, c'est-à-dire des gens qui croient fermement, et donc ce sont eux qui méditent les affaires et savent donc qu'il n'y a pas de jugement meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل والنهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مسند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات والأعراف القبلية. Le sens général du verset, Allah le Très-Haut reproche à ceux qui sont sortis du jugement d'Allah le Très-Haut, ce jugement qui englobe tout bien et toute justice et qui interdit tout mal, vers autre que le jugement d'Allah en termes d'opinion et de passion et de termes, que les gens institués sans aucune base, que les gens ont institués sans aucune base, c'est-à-dire ces istilahat, ces vocabulaires, ces termes, ils ont institué sans aucune base dans la législation d'Allah. Comme le faisaient les gens de la jahiliya lorsqu'ils jugeaient au moyen d'égarements et d'ignorance et de coutumes tribales. Munasabatu al-ayat lil-bab. Le rapport entre le verset de surat al-Maïda et le chapitre. Ana man ibtagha ghayra hukmillah min al-anzimati wal-qawanin al-wad'iyya faqad ibtagha hukm al-jahiliya. Le rapport entre le verset et le chapitre, quiconque recherche autre que le jugement d'Allah parmi les codes et les lois forgées, c'est-à-dire par l'homme, aura certes recherché le jugement de la jahiliya. Ma yustafadu min al-aya, wujubu tahkimi shari'atillah. Premier enseignement, l'obligation de prendre la législation d'Allah pour juge. Thaniyan, anna ma khalafa shara'a Allah fa huwa min hukm al-jahiliya. Tout ce qui s'oppose à la législation d'Allah fait partie du jugement de la jahiliya. ثالثا أن تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر. Prendre les lois forgées et les codes occidentaux comme juges est une mécréance. Maintenant, peut-être quelqu'un qui se pose la question, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est autorisé à faire référence aux tribunaux en cas de dhulm. Si tu es opprimé, tu es pour prendre ton haq, tu as le droit d'aller au tribunal. Cheikh Ibn Baz, il a une fatwa par rapport à ça. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عبد الله بن عمرو قال لزغري lui et son père que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit nul d'entre vous ne croira jusqu'à ce que ses désirs soient conformes à ceux avec lesquels je suis venu. An-Nawawi rahimahullah, il a dit, hadith authentique qui nous a été rapporté dans Kitab al-Hujja, avec une chaîne de transmission authentique. Voir les 42 hadiths de l'imam Nawawi, page 48. Alors ici, plusieurs points. At-Tarajum, biographie d'abord, c'est qui An-Nawawi rahimahullah, wa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, nisbatun ila Nawa, qariyatin bisham. Wa imam al-Mashhur, sahibu tasanifa mufida, tufi sana 76 بعد 600 هجريه رحمه الله تعالى. البيوغرافي النووي سي كي سي محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف النووي اي سي une affiliation à la région de Nawa au Sham et c'est un imam célèbre رحمه الله qui écrit des ouvrages très utiles. On peut citer à titre d'exemple l'Arba'a an-Nawawiyya qui porte d'ailleurs son nom de l'imam Nawawi, ils ont fait 42 hadiths. Ibn Rajab رحمه الله, ils ont une caractéristique commune de ces hadiths qui sont des paroles très génériques qui englobent beaucoup d'enseignements de la religion. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, al-Hanbali, il a fini ses 42 par 8 pour faire 50. D'accord? Et c'est ça qu'il expliquait dans son fameux Jami' al-Ulum al-Hikam. Donc l'explication de Rabi' Nawawi ibn Rajab, c'est pas que les 42 hadiths, il a rajouté 8. C'est-à-dire quand vous regardez l'explication de Cheikh Al-Mu'assil al-Abbad de Rabi' Nawawi, c'est pas que des 42 hadiths, c'est les 50. C'est-à-dire il l'appelait Fathul Qawi al-Matin fi Sharh al-Arba'in wa Tatimmat al-Khamsin. Donc quand vous regardez le Sharh al-Rabi' Nawawi qui a été publié, il y a 50 hadiths en fait, il n'y a pas 42 comme dans l'asl de l'imam Nawawi rahimahullah. Donc il a Cheikh Al-Mu'assil al-Abbad rahimahullah, il a repris les 50. C'est-à-dire les 42 de Nawawi plus les 8 qu'il a rejetés d'Ibn Rajab et les expliquer. Et c'est ces 50-là qu'Ibn Rajab l'explique dans son magnifique ouvrage qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam. Donc maintenant, si vous entendez beaucoup le Meshikh ici, Jami' al-Ulum wal-Hikam d'Ibn Rajab, vous savez c'est quoi ce livre. Vous savez maintenant c'est quoi, c'est l'explication des 50 hadiths. Par exemple, on peut citer à titre d'exemple aussi son explication de Sahih Muslim, Al-Minhaj. Charhi Sahih l'imam muslim de l'Hajjaj, la fameuse explication de Sahih Muslim de l'imam Nawawi rahimahullah. Ça, c'est parmi aussi les, aussi encore une fois, hein, et parmi les fawaïd qu'on peut tirer de ça, c'est regarder Riyad Salihin. Il n'y a presque pas une maison ou une mosquée sans qu'il n'y ait pas Riyad Salihin. Et le Meshir dit que ça prouve inshallah la sincérité de la personne. Regardez le baraka de cet ouvrage là. Et cet ouvrage a été expliqué par beaucoup de ulama. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ça a été publié. Il y a même certaines éditions où on peut trouver des passages en fait, de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, les deux. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a retiré les hadiths da'ifs de Riyad Salihin. Alors, certaines explications de Riyad Salihin, elles sont basées sur le tasheeh de Cheikh Al-Albani. C'est pour ça que vous ne trouvez pas des hadiths qui sont de Riyad Salihin, mais qui sont dans ce livre-là. Parce que Cheikh Al-Albani les a jugés da'ifs. Donc la personne qui l'explique, eh bien, elle va considérer que comme c'est pas sahih, ben qu'on l'explique pas. À la kulli hal, c'est juste pour vous montrer que, et aussi le Majmou' al-Muhaddab, etc., il y a beaucoup de livres, l'imam Nawawi rahimahullah, très utiles à la communauté, rahimahullah ta'ala. Et donc, il est décédé en l'an 676 de l'égir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, c'est quoi ce livre, Kitab al-Hujja? Al-Hujja, et Kitab al-Hujjati ala Tariq al-Mahajja, le Cheikh Abi al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i. Al-Hujja, c'est-à-dire le livre Al-Hujja ala Tariq al-Mahajja de Cheikh Abi al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i. Alors écoutez par rapport au hadith ici, wa hadha al-hadith fi isnadihi maqal, lakin ma'nahu sahih qat'an wa in lam yasihha isnaduhu wa lahu shawahid min al-Qur'an ka qawli ta'ala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Il y a dans ce hadith quelque chose à dire, il y a une faiblesse à noter dans la chaîne de transmission, mais son sens est authentique de manière catégorique. Alors c'est peut-être maintenant quelqu'un va dire je comprends pas, tu dis Cheikh Salim Mohammed Al-Wahhab rahimahullah, il cite le hadith. Et après, il cite que l'imam Nawawi a dit que c'est un hadith authentique. Et après, toi, tu viens et tu rapportes une parole du Jir al-Fawzan qui dit qu'il y a un maqal, il y a quelque chose dans le sanad yani, qui fait qu'il est faible. Bien, yani, c'est pas un ta'an dans le Jir al-Islam Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, ni un ta'an dans l'imam Nawawi, rahimahullah, ni un ta'an dans le Jir al-Fawzan, ni dans qui que ce soit. Et c'est asalib ahl-ilm, c'est comme ça. C'est que le mselat tasheeh ou tadaif al-hadith, mselat ijtihadiyya. Le fait de juger un hadith sahih ou hassan ou da'if ou autre, c'est une mishala ijtihadiyya. Un cheikh ne va pas suivre un autre. Il va voir en fonction de son ilm à lui. Et des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas une information que d'autres ont. Et d'ailleurs, c'est une des excuses que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a donné dans son fameux livre que je vous conseille vraiment de lire, qui s'appelle Raf'ul Malam, Anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam, Anil A'immatil A'lam. C'est un livre qu'il a écrit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, où en fait, il donne les causes et les raisons qui excuse les ulama dans certaines fatwas qu'ils ont fait qui khalif l'haq. Il a dit par exemple, il se peut qu'un alim, pour lui, le hadith il était sahih alors qu'il était daif. Ça c'est une des excuses. Et donc vous trouvez souvent par exemple qu'un alim va dire qu'un hadith il est daif, et Cheikh Al-Albani va dire non il est hasan. Pourquoi? Parce que lui a trouvé dans toutes ses recherches une chaîne de transmission qui fortifie, etc. etc. Et Cheikh Al-Albani lui-même, rahimahullah, il a deux volumes qui s'appellent At-Tarajuat. C'est-à-dire les retours. Ça veut dire quoi les retours? C'est-à-dire les corrections. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a écrit à un moment dans sa vie deux volumes où il reprend tous les hadiths qu'il avait jugés à une certaine époque et sur lesquels il a changé d'avis. Et il y a des chapitres comme ça qui passent, par exemple, du Daif ou Hassan. Ou Daif aussi, etc. Et ça, ça prouve que ces ulama-là, ça c'est une éducation pour nous. Et lier ça un peu à tout ce qui se passe maintenant et au fitan, etc. C'est que ces ulama, ils cherchaient le haqq. Et ce même si le haqq, il allait à l'encontre de certaines de leurs propres paroles et de certaines de leurs propres positions. Et ça, c'est une tarbi. C'est quelque chose que j'ai dit beaucoup. C'est vrai quand on enregistrait comme ça de l'audio, il dit, mais tu parles beaucoup. Ça, D'accord. Allez, qu'on est dans un assise avec des frères, je le dis toujours aux frères. Je dis, c'est les filles de perspicace. Quand il dit les choses, il fait chouïa. Et il médite chouïa sur le mot. Maintenant, comment on transpose ça et comment on traduit ça dans notre vie à nous? C'est ça qui nous intéresse, ça, oulala. On dit, ouais, Cheikh Al-Albani, masha'Allah, il cherchait le haqq, c'est très bien. Et nous, comment nous, on prend exemple sur lui? C'est ça qui est important. Comment on transpose ça, nous, dans notre vie à nous, à notre niveau? Parce qu'attention, il y a peut-être certains de nos frères et nos soeurs qui disent, ah, Cheikh Al-Albani, il est où en haut? Mais justement, si lui, il est en haut dans la science comme ça, hein, et qu'il est comme ça, qu'est-ce que nous, on doit dire? Nous qui sommes beaucoup plus en danger. Alors que lui, il avait un jahil, il avait une position, un rang. C'est vrai ou là? Il aurait pu se dire, non, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi? Et c'est imprimé, attention. C'est imprimé dans des anciens livres à lui. Et les gens ne vont pas comprendre, les gens vont dire ceci. Non, cher, il juge authentique parce que tadayyunan. Pour se rapprocher auprès d'Allah. Il juge daif pour se rapprocher auprès d'Allah. C'est ça qu'il cherchait ce ulama-là. Donc, tarajouat en deux volumes. Donc ici, elle a l'ijtihadiya. Il ne faut pas dire pourquoi elle a dit ça et pourquoi elle a dit ça. Souvent, on entend ça. En général, c'est des frères ou c'est des débutants, ou c'est des frères qui ne lisent pas, ou des sœurs qui ne lisent pas. Pourquoi, comment, etc. Non. Et vous trouvez souvent que Cheikh Mohamed Rahimahullah, Cheikh Al-Albani, ils n'ont pas le même avis sur un hadith. Vous savez ça. D'accord? Il y en a un, Hizbil, elle a essayé de rentrer par la porte, elle a essayé de dire à Cheikh Mohamed Rahimahullah, pour qu'il obtienne une parole. C'est ça qu'ils font, les hasbiens, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ou ceux qui se cachent sous la couverture de la salafia, et ils sont en fait des gens qui ont des méchakil, qui ont des problèmes méthodologiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de tirer une parole d'un alim sur un autre alim. Mais, bil-batil. Ou alors, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de jouer sur les mots. Ils essaient de tirer une parole de Cheikh Al-Maqoub Rahimallah qu'ils peuvent utiliser contre Cheikh Al-Albani. Parce que Cheikh Al-Albani, il avait des ennemis. Il avait des gens qui étaient jaloux contre lui. De jaloux de lui, il y avait des gens qui le détestaient, il y avait des gens qui le combattaient, etc. Donc, Cheikh Mohamed l'a formé la porte directement. Regardez la perspicacité des ulama. Tu ne vas pas tirer une parole comme ça facilement, Cheikh Mohamed, rahimahullah. Il tafattan lak. Il te voit, il voit où tu vas arriver. Il a dit, Cheikh Al-Bani, rahimahullah, imamun fi sunnah. Il a dit, c'est un imam dans la sunnah, c'est un muhaddith. Et quand il juge un hadith, je vous résume, que je ne sais pas, une riwaya bil-lafd, que je vous dis, regardez la formule pour directement. Et ça, c'est un tarbiya aussi. Regardez encore comment on traduit ça dans notre vie à nous, comment on transpose ça. Nous, quand quelqu'un il vient te parler sur quelqu'un, etc., soit pas le bok qui directement, non seulement il répète, mais il amplifie, il rajoute, il me chie, lui, t'as juste lancé, toi, t'es parti à 200 km à l'heure. Lui, t'as juste un petit. Mais sur la route, toi, t'es déjà en sixième. Sur ton frère. Non. Il faut être perspicace. Il faut pas. Comme disait un autre frère prédicateur ici, qu'on avait fait une gilsa avec les francophones, le frère Abou Hakim, il a dit quoi? Il avait dit ne soyez pas la porte. Regardez la calame. Il a dit ne soyez pas la porte ou le trou. Vous voyez la brèche là, dans la muraille, par lesquels les ennemis de la da'wa y rentrent. C'est une parole forte, quand même, non? Ils ne sont pas avec la brique, les filles, laisse passer le vent, laisse passer le. Ou laisse passer des camions, des. Non. Toi, tu fermes la porte. Toi, à ton niveau, toi, tu fermes la porte. Alhamdulillah, tu as fait ton obligation, tu fermes la porte. Tu vas passer, tu ne vas pas passer par moi. Si tu passes, tu vas passer par moi, tu ne vas pas passer par moi. Moi, Inch'Allah, bin Allah Ta'ala, tu vas pas me faire le sabab que je ferai contre les ikhwa, je ferai le da'wa. C'est comme ça qu'il faut être. Tu connais une clé qui ouvre les portes du bien et une clé qui ferme les portes du mal. Pas le contraire. On revient à ce qu'on disait ici. Donc on a dit quoi? C'est que il y a dans ce hadith une faiblesse à noter dans la chaîne de transmission, mais son sens est authentique. D'ailleurs, regardez ici, Cheikh, il dit quoi? Il dit le hadith, il y a quelque chose par rapport, on peut parler au niveau du sanad, mais son sens, il est authentique de manière, comme il a dit, catégorique. Qat'an, il a dit Cheikh. C'est-à-dire, wa ma'nahu sahih, c'est ça qu'il est en train de dire, Cheikh, ici. Et il a des témoins, wa lahu shawahid. Il y a d'autres textes qui renforcent ça, et qui prouvent que ce ma'na est authentique. Et c'est quoi? Mais c'est des versets du Coran. Comme la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils soumettent complètement à ta sentence. » C'est évident ça. Vous voyez comment le texte il va vraiment dans le sens du hadith. Surat Nisa verset 65. Et pour revenir à ce que j'ai par rapport à certains de nos frères, à certains de nos sœurs, qu'Allah leur facilite, qui de temps en temps ils ont des remarques comme ça, etc. Mais pourquoi ou qui ne comprennent pas quand quelqu'un il dit faible, l'autre il dit daïf, et l'autre il dit sahih. Et après toi tu dis non, mais Cheikh il a dit daïf, mais sahih, il croit que c'est comme si tu critiquais Cheikh. Hein? Déjà si on te dit ça, c'est parce qu'on ne fait pas nous-mêmes, c'est qu'on cite un autre alim. Et que l'alim, il n'a pas qu'à quelqu'un d'autre, lui. Il n'a pas imité aveuglement quelqu'un d'autre. Il juge lui-même, il ijtahad. C'est souvent des gens, ils n'ont pas étudié le bon sahih hadith. Si tu fais ne fût-ce qu'un livre, dans ta vie, Nukhbat al-Fikr, ou un autre livre, le Bekounia, par exemple. Tu fais rien que ce livre-là, tu le comprends, tu ne parles déjà plus comme ça. Parce que là, tu commences à avoir des outils. Minimum, mais tu commences à avoir des outils pour comprendre moins, pour comprendre. C'est pas pour toi aller commencer à je m'allais à riwayat, sahih, da'af, mashallah, etc. Non. C'est quoi? Pour au moins comprendre les ahkam des ulama sur ces hadiths. Et comprendre des fois pourquoi ils divergent sur certains points, etc. Des outils. Et yani, les mashir, qu'est-ce qu'ils conseillent en général? Pour commencer, dans le mustalah, c'est par exemple Al-Bayquniya. C'est un poème qui est très court que vous pouvez mémoriser facilement. Un qui est très court. Qui connaît le début? Celui qui connaît le début, je lui offre un livre. Il me cite les cinq premières lignes. Je sais qu'il y en a qui connaissent, ils ne veulent pas dire, mais je sais qu'il y en a qui connaissent. Personne? Alors, qui me dit juste la définition du sahih de Selbe Kounia, il a un livre. En arabe, un livre en français. Personne? Abdou Bilhamd. Laisse l'introduction, il y a quelques lignes avant, mais vas-y, va direct au sahih. Tu l'as dit bien, tu dis tout. اجتت في البداية من البيت اولها الصحيح اولها الصحيح هو ما اتصل اسناده هو لم يشهد ولم يعل لا اشتد بلي لا اشتد بلي اخويا يا ليفر ديغير اخويا ماشي اسف اولها الصحيح هو ما اتصل اسناده هو لم يشهد ولم يعل ولم يشهد ولم يعل تي با لوان لا موتشي تي فيني نكملها لو مو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو جوست لو يرويها عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. C'est quoi les... Maintenant, qui me sort? Il a fait un effort, Zallah, khir. C'est pas facile. Hein? Tu vois le muraja'a, c'est important. Le muraja'a. Pour ça, le muraja'a, tous les mashaykh ils disent pour les tullab, quand tu hafad un matn, quand tu hafad une mandoma, etc., tu trouves toujours un cycle de révision. Toujours un cycle de révision. Toujours tu révises. Et ce que j'ai même quand j'enseignais le Coran ici à l'école ou ailleurs, etc., j'ai toujours mémorisé moins, mémorisé mieux. C'est-à-dire que vos cycles de révision, ils sont très très importants. Il y en a, machallah, ils ont très très bon hifd, dans le sens où ils avancent très vite, mais ils n'investissent pas beaucoup dans la révision. Et ce qui fait qu'après, les choses se perdent. Et c'est comme si tu construisais sur du sable et tu n'avances pas en fait. Alors que quand tu as un cycle qui est solide dans ta révision, de toute façon, sur le site que SPF, il y a une manière de mémoriser le Coran qui est traduite d'un cheikh, Al-Masih Al-Qasim, pour ceux qui veulent tout un programme complet, où justement, c'est de manière à ce que ce soit. Ça s'appelle comment? La meilleure manière pour mémoriser le Coran. C'est sur le site, c'est en PDF, vous pouvez le télécharger. Et c'est non seulement une méthode complète du début du Coran jusqu'à la fin du Coran, mais aussi après, quand tu l'as fini, comment le garder? Comment le garder? D'accord? Et ça, c'est pour tous les ulum. Le muraja, elle est très, très, très importante. Et si, qui sait me sortir de ces cinq? On saura un peu, mais c'est intéressant. Qui sait me sortir de ces abiyat-là? Les cinq conditions du hadith sahih. Salafi al-Hadith. C'est ça le sanad. C'est quoi le sanad? C'est la continuité de la chaîne de transmission. Et ouais. On va le dire en arabe, on va commencer à traduire ce que traduire, c'est difficile. Il n'y a pas de chodoud. Il n'y a pas d'illa qadiha fi sanad. Ça fait trois déjà. Tissal Sened, Adam Shudud, Adam Wujud al-Ilal al-Qadiha. Et ouais. Donc l'Adl. Dabt, il y a des différents genres de Dabt, mais dis Dabt de manière générale. Voilà, c'est ça les cinq règles. Tissal Sened, Adam Shudud, Adam al-Ilal al-Qadiha. Ça, c'est les cinq conditions pour le hadith sahih. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit après? Comment il définit le hasan? Je vous dis, je vous fais ça pour vous motiver à étudier ce genre de. Derrière un shiarh, très très bon shiarh. Des Cheikh Alain al-Bukhari en audio, et il existe en livre aussi. Et dans les audios, vous connaissez le frère qui est sur le Cheikh, c'est le frère Taqwim, qui est de Manchester. C'est lui le frère qui est à Médine et qui lit le mandoma à Cheikh Alain al-Bukhari. À la Koulihal, on revient au livre. Nukhbat al-Fikr, Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, qui l'expliquait lui-même, et ce char s'appelle Nuzhatun Nadar. Nuzhatun Nadar. Cheikh Ibn Hajar, il a fait un livre très facile, mais Cheikh est conseillé en général même de commencer par celui-là. Et Ibn Hajar lui-même, il l'a expliqué. Nuzhatun Nadar s'appelle. Cheikh Al-Uthaymeen, il a un charh de ça aussi. À la kulli hal, on était où par rapport au hadith ici? Et puis on est au rapport entre le hadith et le chapitre. Oui ou non? Non, la yu'minu ahadukum, voilà où on était. Ay la yahsul lahu al-iman al-wajibu wa la yakunu min ahli. Nul d'entre vous ne croira, c'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas la foi obligatoire et ne fera pas partie des gens de foi obligatoire. Hawahu, ay ma yahwahu, wa tuhibbuhu, nafsuhu, wa tamilu ilayhi. Hawahu, ses passions, c'est-à-dire ce qu'il désire et ce que son âme aime et ce vers quoi elle penche. Tab'a lima ji'tu bih, fa yuhibbu ma amara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa yakrahu ma naha anhu. Conforme à ceux avec lesquels je suis venu, et donc il aime ce que le messager d'Allah a ordonné, et il déteste ce qu'il a interdit. Je reviens encore sur Nukhbat al-Fikr. Vous vous rappelez, il y a quelques frères, je crois, ici, ou des sœurs qui ont suivi mon conseil. À l'époque, j'avais parlé d'un programme avec Cheikh Mustafa Mabram. Vous vous rappelez, qui se rappelle de ça? Hein? Tu te rappelles? Cheikh Mustafa Mabram, il avait fait un programme en ligne où il expliquait beaucoup de livres, et notamment un des livres qu'il a fait. Et alhamdoulilah, on a eu un examen là-dessus. Avec Cheikh, c'est Cheikh Moussa Mabram. C'est quoi encore le nom de l'école? Le site, il s'appelle Dar l'Imam Malik, Dar l'Imam al-Hijra. Mouqi' Imam Dar al-Hijra. Voilà, c'est ça. Le site de l'Imam de Dar al-Hijra, c'est-à-dire l'Imam Malik, rahimahullah. Et donc, il avait un système où tu pouvais réciter et tu pouvais passer un examen, suivre les cours d'abord, poser des questions et suivre un examen, etc. Il y a eu plusieurs livres comme ça de fait. Il y en a certains qui ont fait tout le programme, etc. Mais en tout cas, Nourbat al-Fikr, il l'a fait, le cheikh. Donc ça, c'était une opportunité pour à l'époque, les frères et les sœurs qui étaient ici, quand je l'avais dit, ils auraient pu le faire. Et je sais qu'il y en a qui l'ont fait, alhamdoulilah. Et qui ont même fait d'autres livres avec lui. Il a fait le Ma'ati Atiqad, il a fait l'Azromiya, il a fait dans l'Ossoul, il a fait Mendomat Sayri l'Allah ou Dari l'Akhira, d'Imam Sa'di Rahimallah, magnifique, poème magnifique. D'Imam Sa'di Rahimallah. تبع لما جئت به فيحب ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه تبع لما جئت به conforme à ceux avec lesquels je suis venu et donc il aime ce que le messager de Allah a ordonné et il déteste ce qu'il a interdit. Maintenant le sens général de ce hadith. المعنى الاجمالي للحديث ان الانسان لا يكون مؤمنا الايمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي وغيرها فيحب ما امر به ويكره ما نهى عنه. Le sens général du hadith est que la personne ne peut être croyante d'une foi complète obligatoire tant que son amour ne sera pas conforme à ceux avec lesquels le messager d'Allah est venu en termes d'ordre et d'interdit et autres, et que donc il aime ce qu'il a ordonné et déteste ce qu'il a interdit. Munasabatul hadith il bab, le rapport entre le hadith et le bab, nafil imani amman lam yatma'inna illa shar'illahi wa yuhibbuh wa yakrahu ma khalafahu min qawanin wa nuzum al wad'iyyah. Le rapport entre le hadith et le chapitre, c'est la négation de la foi pour celui qui n'est pas apaisé par la législation d'Allah et ne l'aime pas et ne déteste pas ce qui s'y oppose en matière de loi et de code forgés par l'homme. Les enseignements tirés de ce hadith. Et après, on a encore un affaire de l'imam Sha'bi, puis on a fini, Inch'Allah. Et on a encore un autre petite partie, on a fini, Inch'Allah. وجوب محبة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما من التشريع والعمل به. L'obligation d'aimer tous ceux avec lesquels le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est venu, surtout la législation et sa mise en pratique. ثانيا وجوب بغض كل ما خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه. L'obligation de détester tout ce qui s'oppose à la législation du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et de s'en écarter. C'était le premier. Troisième. انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ظاهرا. La négation de la foi au sujet de celui dont le cœur penche vers l'opposition à ceux avec lesquels le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est venu, et ce même s'il le met en pratique en apparence. On continue. وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمها أنهم يأخذون الرشوة فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. الشعبي رحمه الله الذي il y a une dispute entre un homme parmi les hypocrites et un homme parmi les juifs. Le juif dit alors, prenons Mohammed comme juge. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas de pots de vin. Et l'hypocrite dit, prenons les juifs comme juge. Car il savait qu'il prenait des pots de vin. Ils se sont donc mis d'accord pour aller chez un devin de la tribu de Juhayna et de le prendre comme juge pour la résolution de leur dispute. Allah le Très-Haut révéla alors le verset dont la traduction du sens est, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent jusqu'à la fin du verset ? التراجم الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين قيل مات سنة 300 هجرية رحمه الله تعالى وقيل غير ذلك. لبيوغرافي سكي الشعبي رحمه الله سي عامر بن شراحيل الشعبي الفيديتوسي عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي digne de confiance et hafiz, juriste parmi les tabi'oun. Min al-munafiqin, jam'u munafiq, huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Min al-munafiqin, parmi les hypocrites, alors c'est quoi la définition de l'hypocrite? Munafiqun, c'est le pluriel de munafiq. Et le munafiq, c'est celui qui montre l'islam en apparence, mais cache la mécréance en son sein, en son fort intérieur. Al-yahoud, jam'u yahoudi, min hada ila raja'a. وقيل اليهودي نسبة إلى يهودا بن يعقوب عليه السلام. اليهود لي جويف بلوريل دو يهودي من هذا اذا رجع celui qui se repent lorsqu'il revient هذا et il fut dit aussi l'origine du mot يهودي c'est une affiliation à Yahouda le fils de Jacob que la paix d'Allah soit sur lui alayhi salam Yaqub khusuma ay jidal wa niza' khusuma c'est-à-dire un débat et une dispute الرشوة ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور من أمور الناس ليحيف مع المعطي ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء الرشوة le pot de vin ce qui est donné à celui qui s'occupe des affaires des gens afin qu'il fasse plaisir à celui qui donne le pot de vin et fait partie de cela ce que l'un des protagonistes donne au juge ou autre afin qu'il juge en sa faveur. Le mot est pris de arracha, la corde au moyen de laquelle on arrive à l'eau. Juhayna, qabilatun arabiyya mashhura. C'est une tribu arabe connue. Fanazalat, hada bayan li sabab nuzul al-aya al-karima. Fanazalat fut alors révélée, et c'est ici une mise en évidence de la raison de la révélation de ce noble verset. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. يروي الشعبي رحمه الله أن هذه الآية الكريمة ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم تهربا من الحكم العادل من الحكم العادل من الحكم العادل مما حمله على التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة بما يترتب على ذلك من مناقضة للإيمان ما يدل على كذبه في ادعائه الإيمان فمن عمل مثل عمله فهو مثله في هذا الحكم Le sens général du Athar Al-Sha'bi rahimahullah il rapporte que ce noble verset dont la traduction du sens est N'as-tu pas vu ceux qui prétendent jusqu'à la fin du verset fut révélé en raison de ce qui s'est passé entre un homme prétendant la foi voulant prendre pour juge autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fuyant le jugement fuyant le juge équitable Ce qui l'a poussé à prendre pour juge le Tarot, sans prendre en considération ce qui résulte comme conséquence en termes de contradiction quant à la foi, ce qui montre son mensonge dans sa prétention de foi. Et donc quiconque fait de même que lui aura le même jugement. Munasabatul athari lilbab, an at-tahakum ila ghayri shar'illah yunaqid al-iman billahi wa kutubihi. Le rapport entre le athar et le chapitre est que prendre pour juge autre que la législation d'Allah contredit la foi en Allah et en ses livres. Ma yustafadu min al-athar. Quels sont les enseignements tirés du athar? Awwalan wujub at-tahakum ila shari'atillah. L'obligation de prendre pour juge la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, an at-tahakum ila ghayri shari'atillah yunafi al-iman. Prendre pour juge autre que la législation d'Allah s'oppose à la foi. Thalithan fihi kashf li haqiqati al-munafiqin wa annahum sharrun min al-yahud. Il y a dans ce atar un dévoilement de la réalité des hypocrites et qu'ils sont pires que les juifs. Rabi'an, tahrimu akhdhi ar-rishwah wa an akhdhi ar-rishwati min akhlaq al-yahud wa qad la'ana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'tiyaha wa akhidaha. Le caractère illicite de prendre le pot de vin et cela fait partie des comportements des juifs et le prophète alayhi salatu wa sallam a certes maudit celui qui prend le pot de vin et celui qui donne le pot de vin. Dernière partie. وقيل نزلت في رجل اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله L'auteur qu'elle lui fasse miséricorde, il dit, et il fut dit que le verset fut révélé au sujet de deux hommes en dispute. L'un dit à l'autre, Portons notre affaire au prophète Ali salatu wassalam. Et l'autre dit à Ka'b ibn al-Ashraf. Puis ils ont porté leur affaire à Omar. Et l'un des deux lui expliqua ce qui s'est passé. Et Omar dit à celui qui n'avait pas accepté le jugement du messager d'Allah salatu wassalam, est-ce comme c'est dit? Il répondit oui. Omar le frappa alors de son sabre et le tua. At-Tarajum. Les biographies Ka'b ibn al-Ashraf, Yahoudi, Arabi, min Tay, wa ummuhu min Bani Nadir, kana shadid al-adawati lil-Nabi salatu wassalam. C'est qui Ka'b ibn al-Ashraf, je vous avais dit qu'on en reparlerait, un juif arabe de Tay. Et sa mère était de Banu al-Nadir, la tribu de Banu al-Nadir. Il y avait une grande détestation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal'adu billah. Wa qila nazalat, yani l'aya, al-madkura sabiqan. Et il fut dit qu'il fut révélé, c'est-à-dire le verset cité précédemment. المعنى الإجمالي للأثر هذا الأثر فيه بيان قول آخر غير ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية وأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها قتل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم le sens général du Athar. Il y a dans ce Athar la mise en évidence d'un autre avis, autre que celui qui a précédé, au sujet de la raison de la révélation du noble verset. Dont la traduction du sens est « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent jusqu'à la fin du verset. Et que le récit, lorsqu'il fut relaté à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée et qu'il vérifia l'information, il tua celui qui n'avait pas accepté le jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Munasabatu dhikrihi fi hadha al-bab, le rapport entre ce atar et ce chapitre, anna fi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghayri shar'i Allah wa istihqaqihi lil-qatl li'annahu murtaddun 'an din al-islam. Le rapport entre le atar et le chapitre, qu'il y a dans ce atar, la preuve de la mécréance de celui qui prend comme juge autre que la législation d'Allah et qu'il est en droit d'être tué car il a apostasié de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un point ici important par le fait qu'il est en droit d'être tué, ce genre de peine légale évidemment ne peuvent être mises et appliquées que par les gens qui détiennent le commandement et pas les gens de la masse dans les pays musulmans où la législation islamique est appliquée. Elles ne peuvent en aucun cas être appliquées par des individus en dehors des pays musulmans. Il faut maintenant que quelqu'un il entende ça, qu'il aille faire la justice lui-même. Les enseignements tirés du Athar. Ma yustafadu min al-Athar. Awalan anna tahkima ghayri Allah ta'ala wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam fi fadl munaza'at riddatun 'an al-islam. Prendre pour juge autre qu'Allah le Très-Haut et son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la résolution des disputes est une apostasie en islam. Anna al-murtad 'an al-islam yuqtal. L'apostat qui quitte l'islam est tué. On a expliqué ça et j'ai mis une note de bas de page, donc voir notre note de bas de page. ثالثا أن الدعاء إلى التحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. L'appel à prendre pour juge autre que la législation d'Allah fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et ce même si celui qui est appelé à juger est un imam de vertu comme Omar ibn al-Khattab qu'à l'agré. رابعا مشروعة الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. Le caractère légiféré d'être en colère pour Allah et pour son messager صلى الله عليه وسلم et pour sa religion. خامسا le caractère légiféré de réprouver le mal par la main pour celui qui en a la capacité. Ici, évidemment, dans l'Amr ibn al-Aruf et al-Munkar, il y a des dawabit et on revient toujours au mafasid ou au masalih, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'a bien expliqué. Ce n'est pas le sujet du cours, mais faites attention à ça. Sadisan, ana ma'rifat al-haqq la tughni 'an al-'amal bih wa al-inqiyad lah. La connaissance de la vérité ne suffit pas dans sa mise en pratique, pardon, ne suffit pas sans sa mise en pratique et sans s'y soumettre. Avec cela, on a fini pour aujourd'hui. Le chapitre était un peu plus long aujourd'hui. On a fait des digressions aussi, alhamdulillah. Et jazakumullahu khairan wa subhanakum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.